La Malle de Sinbad sur Radio Culture Dijon. Une émission préparée et présentée par Sébastien et Manon à la technique. Informations, bibliographie et podcast sur le site internet de Radio Culture. Bonjour Sébastien. Eh bien, donc nous avions laissé notre ami Florescu et donc son magasin Delicatesse à Bucarest. Et on se souvient, il nous avait raconté un petit peu bien une histoire, il faudrait quand même préciser une légende assez chrétienne du café. On se souviendra, il y avait ce jeune berger, Caldi, qui s'était retrouvé confronté à des chèvres ayant ingéré ces espèces de petites cerises et qui s'en retrouvaient absolument affolées, ayant constaté donc l'effet des dites cerises, eh bien, il avait été s'en ouvrir à l'abbé local. Et de fil en aiguille, eh bien, le produit était arrivé jusqu'à Rome, jusqu'à la papauté. On se souvient, Clément VII avait même été mis à contribution puisqu'il avait fallu passer par son autorisation, son approbation ici, pour que le café ait droit de circulation et de consommation en Europe. C'était donc un petit peu cette histoire chrétienne que notre ami Gheorghe Florescu nous avait livré. Aujourd'hui, on va peut-être revenir justement sur l'histoire, mais peut-être une histoire un peu différente, puisqu'on va voir que le trajet n'est pas tant d'Éthiopie jusqu'à Rome, mais au contraire, si on part bien de l'Éthiopie, on va voir qu'on va se diriger plutôt vers la péninsule arabique. Voilà. Alors peut-être qu'on pourrait commencer par le mot lui-même, le mot café déjà, que nous utilisons dans énormément de langues. Il suffit de voir ne serait-ce que les langues qui nous sont proches géographiquement, le coffee de l'anglais, café donc en allemand, café en italien, café en roumain, ne serait-ce que pour citer celle-là. Et si on continuait, on trouverait très souvent des mots proches dans les langues de la planète. D'où vient le mot café? Il est assez bien établi, qu'il est originaire d'Arabie et qu'il vient du mot arabe qahwa, mais qu'il a connu un certain nombre d'altérations pour en arriver à être un kahvé et puis ensuite un café chez nous. Ça, c'est la première chose. Il semble, en tout cas, c'est ce que nous dit l'Académie française, que le mot fait son entrée dans notre langue en 1694. Voilà. 1694, on a le mot café et orthographié C-A-F-E en français. C'est une première chose. Le mot, donc, on l'a dit, vient de l'arabe. Et en arabe, là encore, son étymologie, son sens, n'est pas si évident que cela. Quand on lit, et on se référera souvent à son travail, un auteur comme El-Jaziri, qui est un auteur du XVIe siècle, qui a écrit un opuscule extrêmement important pour montrer effectivement que la consommation du café est tout à fait illicite, cet auteur, El-Jaziri, nous renvoie à un autre savant qui a beaucoup travaillé sur la question, qui s'appelait Abdelrafa. Et cet auteur nous disait le mot qahwa viendrait d'un verbe arabe qui serait le verbe akha et qui aurait comme sens de repousser quelque chose de non désirable. Alors c'est vrai qu'on peut se demander quand même pourquoi le café en viendrait de ce terme-là, mais quand on y réfléchit bien, et c'est ce que nous montrent ces auteurs, il s'agit de repousser le sommeil. Tout l'intérêt du café, en fait, c'est justement la veille. Et donc, de ce point de vue-là, il est tout à fait compréhensible que un verbe comme akha donc cesser, repousser de faire quelque chose, est donné, avait pu effectivement s'apparenter au mot qahwa. On a ensuite un autre mot en arabe qui est le mot bun ou bun suivant les prononciations et qui lui renvoie plutôt au fruit à proprement parler. Hein, puisqu'on sait quand même que le café, jusqu'à pour arriver dans notre tasse, eh bien, au départ, c'est le fruit du caféier. Hein, ça se présente donc comme une petite cerise. Il va connaître donc un certain nombre d'opérations. Pour l'essentiel, telles que nous le connaissons aujourd'hui, il s'agit de l'opération de brûlerie, de torréfaction. C'est ça qui va permettre effectivement d'en obtenir la saveur que nous lui connaissons aujourd'hui. Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce qu'on prépare le café ? Alors, en ce qui concerne la préparation du café, on verra qu'il y a deux grandes écoles. On verra qu'il y a tout simplement la possibilité de le boire en infusion, ce qui était sans doute la possibilité première, et puis au contraire une autre qui est de le consommer moulu après qu'il y a eu l'opération de torréfaction. Peut-être juste avant ça, faudrait-il citer quand même un certain nombre d'ouvrages sur lesquels on s'appuyait, parce que c'est un sujet extrêmement riche qui nous emmène assez loin dans le temps et dans l'espace. Et donc, il a fallu quand même faire quelques petites recherches et on n'a pas travaillé tout seul. On s'est aidé d'un certain nombre d'ouvrages. Alors, le premier ouvrage, je voulais citer juste avant, c'est donc cet auteur, El Jaziri, qui est donc un auteur du XVIe siècle, en plein XVIe siècle, et qui nous a laissé un essai, Amdat al-Safwa fi Ahl al-Qahwa. Donc il s'agit en fait d'un essai qui vous montre à quel point le café est donc halal et tout à fait licite. Et il en existe, semble-t-il, 4 manuscrits seulement sur la planète, dont un qui se trouve à la Bibliothèque nationale de France et qui a été édité par Farid Khiari il y a un certain nombre d'années, il y a un peu moins de 10 ans. Et ça, c'est déjà une référence parce que c'est le premier texte où, de manière extrêmement claire, on a des références sur les modes de consommation du café, sur les cercles qui consomment le café, on en reparlera, sur la période à laquelle a pu apparaître vraisemblablement le café. C'est donc une source textuelle pas forcément contemporaine justement des événements, puisqu'elle... Il nous raconte une histoire qui, semble-t-il, a commencé un petit siècle auparavant. Mais c'est déjà un texte extrêmement détaillé, extrêmement fiable. Ça, c'est une première chose qu'il faut retenir. On a un grand orientaliste, Antoine Galland. S'il est connu, c'est surtout pour sa traduction des Mille et Une Nuits, mais qui a également donné une traduction partielle de cet ouvrage. On peut citer également un autre ouvrage qui nous a énormément aidé. C'est celui de Mireille Gaillet, qui est un grand traité du café. Et qu'on trouve donc dans le commerce, hein, qui est parfaitement diffusé, et qui propose eh bien un aperçu extrêmement clair, non seulement d'histoire du café, mais de ses modes de consommation, de diffusion, etc. Donc c'est vraiment un ouvrage à avoir quand on s'intéresse à la question du café en langue française. Et on a également, peut-être pas forcément l'équivalent, mais là encore un usuel de référence, de James Hoffman, The World Atlas of Coffee, donc qui est un ouvrage récent, il date de 2014, et que nous avons également consulté, puisqu'il nous aidait un petit peu à appréhender, si vous voulez, le parcours du café. Alors Sébastien, tu as choisi un morceau assez long, mais qui te tient à cœur, et qui nous suivra tout au long des prochaines émissions qu'on va faire dans la malle de Simbad. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu plus ? Exactement, de la même manière que quand on avait parlé du personnage Simbad, on s'était effectivement... appuyé sur le long morceau des Mille et Une Nuits de Oum Kalthoum, donc Aflela ou Leila. Là, le parti pris a été un petit peu semblable. C'est d'écouter un morceau qui dure plus d'une heure, en fait. Donc, on va passer en plusieurs séquences tout au long des prochains programmes. Et il s'agit donc d'un morceau qui s'intitule Qari et Elfingan. Donc, c'est mot à mot celle qui lit dans la tasse. Alors, elle est donc une diseuse de bonne aventure, puisqu'elle lit dans le mar de café l'avenir. Ici, il s'agira de l'avenir amoureux d'un jeune homme. Et il s'agit donc d'un morceau extrêmement connu, d'un très grand chanteur égyptien, Abd al-Halim Hafez, aujourd'hui décédé, et qui a mis en musique eh bien, un poème que l'on doit à Nizar Qabbani, qui est un très grand poète syrien. Donc nous allons écouter l'introduction de ce morceau. Thank you. Alors Sébastien, on a parlé de l'étymologie du mot café et maintenant on va parler plutôt du produit en lui-même. Exactement, on va parler du produit. Alors la question est déjà de savoir d'où ce produit viendrait. La route semble être attestée, en tout cas de l'avis des chercheurs, c'est une route qui nous fait partir de la Corne de l'Afrique, de l'Éthiopie, et qui nous fait traverser donc la mer Rouge pour passer dans la péninsule arabique et arriver au Yémen. Donc l'histoire, on va dire, arabe du café, elle commence en Arabie heureuse et elle commence, semble-t-il, chez les soufis, c'est-à-dire chez les mystiques de l'islam. On en reparlera. Ce qui est intéressant, c'est qu'on avait dit auparavant que le café, il y avait plusieurs modes de consommation. Pourquoi ? Parce que il est fort probable que dès le moment où la plante existait en Éthiopie, et il y ait eu du café consommé tout simplement en infusion. Ça n'aurait rien d'étonnant. Énormément de plantes en font l'objet, donc on peut parfaitement imaginer que la graine elle-même, que les feuilles du caféier aient pu faire l'objet de tisanes diverses et variées. Donc ça, c'est un premier point à souligner. Il y a, on va dire, le produit, mais il y a aussi la manière dont on va utiliser ce produit. Ça, c'est quelque chose d'important, dont on a donc le fruit lui-même, les feuilles, les coques du fruit. Donc tout ça, effectivement, peut concourir à des modes de consommation différents. Ce qui est intéressant, on a une citation d'un auteur qui s'appelle Bernard Paludanus. Et cet auteur, compare, alors il est en 1610, donc on est assez tardivement, mais ça va nous mettre un petit peu dans l'ambiance. Il parle de la manière, de la boisson que les Turcs boivent. Et il nous dit, les Turcs tiennent presque une même manière au breuvage de kaon, donc il faut comprendre ici le kahwa, qu'ils font de certains fruits semblables à de la graine de laurier, lequel breuvage est, par les Égyptiens, appelé bon ou ban. Desquels fruits, ils prennent une livre et demie, étant quelque peu secs, les font moyennement bouillir en de l'eau du poids de 20 livres. Donc on voit effectivement que là, on a tout simplement, une sorte de recette de la préparation du café. Voilà, ça c'est exactement ça. Et on fait tout simplement bouillir dans de l'eau, des graines de café. Ce qui revient à une infusion. Exactement, exactement. Ils prennent tous les matins, en leur taverne, ce breuvage tout chaud, en pot de terre, de même manière que nos gens de ça boivent l'eau de vie au matin. Et là, c'est intéressant, effectivement, ce parallèle avec l'alcool dont on reparlera un petit peu plus tard. Alors, est-ce que le café était connu de longue date ou pas ? C'est relativement débattu. Je vous ferai peut-être grâce de cela. Mais ce qui est plus intéressant et peut-être plus certain ou plus vraisemblable, c'est qu'on peut déjà avoir comme premier curseur un personnage extrêmement important. C'est un grand cheikh soufi qui s'appelle Shadhouli, et qui est donc un des grands personnages du soufisme au Maghreb, mais qui va séjourner au Yémen, notamment à Aden, et qui, en l'absence d'une plante que l'on appelle le qat, qui est encore consommée aujourd'hui, on en fait de grosses boules en mâchonnant, si vous voulez, les feuilles dans la bouche, et puis ça nous tient en éveil pendant des heures, et on achète son qat sur le marché à Sanara, par exemple. Ça, c'était effectivement une plante qui était tout à fait utile pour les soufis, ça leur permettait de se maintenir éveillés. En l'absence, à un moment, peut-être il y a une dizaine, je ne sais pas, de qat à Aden, ce personnage, Shadhouli, va remplacer le qat par du café, pour là encore se maintenir éveillé. Alors il faut savoir, c'est un personnage qui vit essentiellement dans la première moitié du XIIIe siècle. Donc ça permet déjà d'avoir un premier repère dans le temps. Est-ce que c'est une légende ou est-ce que, donc reconstruite a posteriori, ou est-ce qu'effectivement on peut attester de cela ? C'est relativement débattu, mais ce serait déjà un premier curseur. Si vous vous souvenez ce que nous avait raconté Florescu, on avait ce fameux berger. Alors il le situait en 800 de notre ère, donc il y a extrêmement longtemps. Et ce qui est intéressant, c'est que, ce qui est vraisemblablement une légende, la première fois qu'on la voit apparaître sur le papier, c'est chez un auteur qui s'appelle Antoine Faustus Néron, et c'est un maronite Donc il fait partie de cette église autocéphale d'Orient qui est rattachée à Rome. Et il était professeur de langues orientales et il a publié donc un des premiers traités en 1671 uniquement dédié au café. Et c'est dans ce cadre-là qu'il va coucher la légende parfaitement apocryphe eh bien, de ce jeune berger éthiopien. Donc c'est intéressant aussi de voir un petit peu le parcours des histoires autour du café. Ce que l'on peut dire également, c'est que si on se souvient de cette légende donc de Florescu, le jeune berger Caldi, qu'est-ce qu'il va découvrir ? Non seulement le produit, mais par hasard, puisque les graines sont jetées dans le feu, le procédé de torréfaction. Alors évidemment, quel heureux hasard ! Donc on voit très très bien comment la légende effectivement agence des éléments narratifs pour qu'on puisse avoir d'un coup le produit que l'on consomme au quotidien. Donc c'est vraiment très très bien goupillé, on a envie de dire. Et donc cette légende est intéressante parce qu'elle nous met en avant déjà deux aspects, l'objet lui-même, le produit, le fruit, et le procédé extrêmement finalement moderne et tardif de la torréfaction. Or, il faut quand même oublier cette légende et bien comprendre que le chemin du café, historiquement, est passé par le Yémen. Et il semblerait, et nous en reparlerons lors de la prochaine émission, que l'on situe l'apparition, l'arrivée du café au Yémen dans le courant du XVe siècle. Voilà pour aujourd'hui. Et donc, avant de nous quitter, eh bien, je vous propose d'écouter, puisque nous étions en Éthiopie, qu'il va falloir quitter l'Éthiopie pour aller au Yémen, d'écouter un très grand tube de jazz éthiopien. Ça a été notamment édité dans la collection éthiopique d'Okora. Il s'agit du morceau Awash de Ali Bira, et donc qui est un morceau phare des années 70, notamment de mouvements indépendantistes dans la Corne de l'Afrique. Voilà, bonne écoute et à la fois prochaine. Yeah.